Book 2 9 9 9 أيام الأسبوع Les jours de la semaine Les jours de la semaine الاثنين Le lundi Le lundi الثلاثاء Le mardi Le mardi الأربعاء Le mercredi Le mercredi الخميس Le jeudi Le jeudi الجمعة Le vendredi Le vendredi. El sabt. Le samedi. Le samedi. El ahad. Le dimanche. Le dimanche. El esboua. La semaine. La semaine. Min el esnein il el ahad. Du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. اليوم الأول هو الاثنين. Le premier jour est le lundi. Le premier jour est le lundi. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Le deuxième jour est le mardi. Le deuxième jour est le mardi. اليوم الثالث هو الأربعاء. Le troisième jour est le mercredi. Le troisième jour est le mercredi. اليوم الرابع هو الخميس. Le quatrième jour est le jeudi. Le quatrième jour est le jeudi. اليوم الخامس هو الجمعة. Le cinquième jour est le vendredi. Le cinquième jour est le vendredi. اليوم السادس هو السبت. Le sixième jour est le samedi. Le sixième jour est le samedi. اليوم السابع هو الأحد. Le septième jour est le dimanche. Le septième jour est le dimanche. الأسبوع فيه سبعة أيام. La semaine a sept jours. La semaine a sept jours. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Nous ne travaillons que cinq jours. Nous ne travaillons que cinq jours.